L'intelligence humaine a besoin de la lumière pour devenir intelligent. C'est bien stupide. L'intelligence humaine a besoin de la lumière pour devenir intelligent. Parce que la lumière, c'est de l'énergie. Puis l'intelligence, c'est la manipulation de l'énergie. Plus tu es capable de manipuler l'énergie, plus tu es intelligent. Plus tu es mental, moins tu es émotif, plus tu es capable de manipuler l'énergie. Parce que plus tu es mental, moins tu es prisonnier de la forme, de l'émotion dans la forme qui t'empêche de manipuler l'énergie parce que tu n'es plus affecté par la conscience planétaire de ta nature. Tu es dans la conscience cosmique de ta nature, même si elle n'est pas parfaitement développée. Tu n'es pas parfaitement développé, tu ne peux pas connaître les désirs de ton âme, et toi, tu ne sais pas quoi faire. Exactement. Tu ne peux pas les connaître les désirs de ton âme, mais tu dois être capable de comprendre les désirs de ton âme quand ils se manifestent, dans l'instantané. C'est ça le but de l'intelligence de l'âme. Tu dois être capable de les comprendre dans l'instantané. Si tu comprends dans l'instantané, tu ne souffres pas émotivement de l'expérience. Tu es en dehors de l'expérience. Tu n'es plus dans l'expérience, tu n'es plus au service de ton âme. Ton âme est au service de toi. À ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux. Parce que tu as raison. N'y a rien qui te bloque. Tu deviens multidimensionnel. Tu vis au bout de toutes tes capacités présentes. Si tes capacités changent, tu vivras au bout de tes autres capacités, et ainsi de suite. Mais l'homme a peur de son intelligence, parce que l'homme n'est pas habitué à prendre sur lui-même la responsabilité de son intelligence. Ça, c'est le cas de tous les gens qui se conscientisent au début. Ils ont peur de l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui ont peur de trop en savoir trop vite. On n'a pas vu ça seulement la récupération intérieure. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est tellement une illusion, l'intelligence. Non. C'est tellement une illusion, l'intelligence. Ça, c'est bien stupide. C'est tellement une illusion de l'intelligence que quand on est intelligent, on n'est plus dans l'illusion de l'intelligence. C'est pour ça que quand on est intelligent, on n'est plus intéressé à l'intelligence. On est intéressé simplement à se servir de l'énergie du principe d'intelligence pour façonner nos vies matérielles ou éthériques, quelles que ce soit. Parce que c'est une maudite illusion, l'intelligence, tant qu'elle n'est pas cosmique. Quand elle est cosmique, l'intelligence, automatiquement, tu n'es plus dans l'illusion de l'intelligence parce que tu n'es plus dans l'intérêt de l'intelligence. Il y a un temps mort entre les deux, puis le temps mort entre les deux, ça vous crée des tensions, puis c'est ça qui crée la fameuse anxiété, là. Comment est-ce que j'appelais ça? J'avais donné un nom à ça. L'angoisse. L'angoisse. L'angoisse vibratoire. Parce que là, tu es dans l'énergie d'intelligence, puis tu sais que tu es capable de faire ça, puis tu sais que tu es capable de faire ça. Tu sais que tu es capable d'écrire, tu sais que tu es capable de construire, puis tu sais que tu es capable. Tu sais que tu viens à un point que tu sais que tu es capable de faire n'importe quoi, mais tu n'es pas capable encore. Fait que ça crée l'angoisse. Puis éventuellement, quand c'est le temps, mais là, oups, tu t'aperçois que tu es capable de le faire, c'est le temps, mais quand tu le fais à ce moment-là, tu n'es plus dans la subjectivité de ton action, tu es dans la loi de l'action. Là, c'est ça. Ça marche. Je vais donner un exemple. Je reviens à toi, Marie, une minute. Moi, j'aime beaucoup la construction. J'aime énormément l'architecture. La seule raison que je ne peux pas faire de construction, parce que j'ai plus de force. Mais si j'avais de la force physique, là, bien du temps, j'aimerais ça, par exemple, construire un beau bateau. En mahogany, tout. Parce que je sais que je serais capable de construire. Mais j'ai pas le temps. Fait que comme je sais que je suis capable de construire, mais que j'ai pas le temps, je suis suffisamment conscient pour réaliser que j'ai pas d'énergie à perdre, que j'ai à m'en acheter un, j'en veux un, à ce moment-là, je tue la souffrance de ça. Mais si j'avais pas la conscience de ça, je souffrirais. Puis c'est là que beaucoup de gens souffrent. Ils voudraient faire telle chose, puis ils savent qu'ils sont capables de le faire, mais ils peuvent pas le faire, pour quelque raison que ce soit, puis ils en souffrent. Puis faut pas que tu en souffres. Faut que tu l'élimines quelque part. Tu viens de l'éliminer, tu dis ton âme, tu vas avoir un travail à faire pour elle. Pour elle. Faut que ce soit un travail pour toi. Toujours pour toi. Pas pour l'âme. Rendu au stage où l'homme est rendu, c'est plus pour l'âme qu'il faut qu'il vive. C'est pour lui-même. D'ailleurs, c'est ça, la preuve, la grande preuve, c'est l'immortalité. L'immortalité, c'est le temps dans la vie de l'homme, dans les vies de l'évolution de l'homme, où il cesse d'être au service de l'âme et où l'âme est au service de lui. C'est lui qui donne le pouvoir d'immortalité. C'est l'âme qui donne à l'âme le pouvoir d'immortalité. C'est pour ça que j'engage tout le monde, comme toi par exemple, c'est un exemple. J'engage toujours les gens à se débarrasser de cette maudite nécessité de comprendre. Puis d'essayer de comprendre. Elle me dit à soi, elle me dit, tu es de mon père, moi je me sens comme une sans-dessin. Elle se sent toujours comme une sans-dessin. Mais tant qu'elle va se sentir comme une sans-dessin, elle va être sans-dessin. Parce qu'elle se sent comme sans-dessin. Puis c'est pas parce qu'elle est sans-dessin, parce qu'elle est intelligente. Mais comme elle se sent sans-dessin, mais automatiquement, elle est sans-dessin. Parce qu'elle bloque l'énergie. Si une personne qui n'est pas sans dessin, c'est bien elle. C'est mauditement subtil, l'illusion de l'intelligence. Parce que vous autres, vous rapportez toujours l'intelligence à la connaissance. Puis un jour, vous comprendrez que l'intelligence est une énergie qui pénètre dans l'homme et qui le fait, qui le rend actif à tous les niveaux. Physique, émotionnel, mental. C'est ça l'intelligence. C'est un principe d'énergie. Ouais, tant que le travail qu'ils font coïncide avec ta résistance mentale et émotionnelle. Mais quand ça ne coïncide plus avec ta résistance mentale et émotionnelle, tu vas être en maudit. Ouais, mais c'est là que tu développes ta volonté et ton intelligence. Parce que moi, t'expliquer quelque chose, moi, vous expliquer comment ça marche quand tu pars. Moi, je peux me trouver une place, un petit gourmet. Bon. Tu sais, on parle du monde des esprits. Le monde des esprits est séparé en quatre cadrans. Il y a les esprits mâles, il y a les esprits femelles, pas dans le sens qu'on va l'expliquer d'ailleurs. Les esprits mâles, il y a les esprits femelles, il y a les esprits anciens, puis il y a les esprits qui ne sont pas nés encore. Puis nous autres, quand on souhaite des pensées, ça vient des esprits qui ne sont pas nés encore. Ça veut dire un esprit qui n'est pas né encore. Ça veut dire que c'est une flamme qui n'a jamais eu d'incarnation. Mais une flamme qui n'a jamais eu d'incarnation, c'est de la lumière. Mais comme elle n'a jamais eu d'incarnation, elle n'a pas la souffrance de l'incarnation. C'est pour ça que toutes les pensées qui passent par le cerveau de l'homme sont de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? De l'esprit qui n'est pas né encore. Si quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'est une pensée, je dirais que c'est de l'esprit qui n'est pas né. Une pensée négative, c'est de l'esprit qui n'est pas né. Une pensée positive, c'est de l'esprit qui n'est pas né. Regarde comment est-ce que c'est subtil en maudit. Moi, je vous parle de ça, là, puis pendant que je vous parle de ça, eux autres, ils me disent c'est de l'esprit pogné. Y'en a-tu eu un ça? OK? C'est de l'esprit pogné. Autrement dit, c'est de l'esprit qui n'a pas souffert. Puis il n'y a rien de plus trait. Il n'y a rien de plus. Retardataire que de l'esprit qui n'est pas né. De l'esprit qui n'est pas né parce que l'esprit qui n'est pas né, n'ayant pas souffert, n'a jamais conclu de contrat entre lui et l'âme. De sorte que l'âme n'a jamais de sympathie. Il n'y a pas d'âme qui a de sympathie pour lui. Et c'est ça qu'on appelle les forces luciférienne. Les forces luciférienne sont des forces pour qui il n'y a pas de sympathie vibratoire de par le biais de l'âme. L'esprit ancien a de la sympathie de l'âme. Les autres esprits. Mais l'esprit qui n'est pas né n'a pas de sympathie de l'âme. C'est pour ça que les gens qui meurent, qui s'en vont dans le plan, les gens qui commettent des crimes ou les gens qui deviennent fous, qui s'en retournent au bord, qui se retrouvent dans les plans astraux, sont toujours 4-5, sont toujours des bonnes chansons. Tu leur dis, qu'est-ce que c'est votre boss? Ils disent toujours, c'est nous autres le boss. Puis on sait mauditement que c'est pas eux autres le boss. C'est qu'ils n'ont pas, ils ont pas d'intelligence suffisamment grande pour voir que leur boss, c'est l'esprit qui n'est pas né. Parce qu'un esprit qui n'est pas né n'a pas de forme. Automatiquement, il n'est pas dans l'astral. De sorte que les forces luciférienne ne sont pas dans l'astral. Mais les égaux qui meurent, qui s'en vont dans l'astral, sont pognés là. Sous l'influence des forces qui ne sont pas dans l'astral. Alors, ils ne voient pas. De sorte que tu ne verras jamais un esprit qui est dans l'astral, les esprits négatifs, qui pourra dire que moi, j'ai vu Lucifer. Ils ne peuvent pas le voir, Lucifer, parce qu'ils sont pas nés. Puis pourquoi est-ce qu'ils sont pas nés? Parce qu'ils n'ont pas de lumière. Tout ce qui n'a pas de lumière, la moindre lumière, n'est pas né. Pour qu'il y ait naissance de l'esprit, il faut qu'il y ait un petit peu de lumière. Même s'il est terni, il faut qu'il y en ait un petit peu. Même dans les bas-fonds de l'astral, il y a toujours un petit peu de lumière. Très peu. Mais entoure un petit peu. La preuve, c'est que si tu leur dis, si tu leur demandes de se retourner vers un certain point cardinal, ils peuvent voir ta lumière, il faut qu'il y en ait un petit peu. Mais ils peuvent pas voir les forces qui les contrôlent. Parce que les forces qui les contrôlent sont l'esprit qui n'est pas né. C'est pour ça que je dis que les pensées positives et les pensées négatives sont toujours une émanation d'un esprit qui n'est pas né. Autrement dit, sont toujours une émanation des forces lucifériennes. Ce sont des forces créatives. Mais ce sont des forces qui retardent l'homme tant que l'homme est ignorant. Quand l'homme est ignorant, à ce moment-là, ces forces-là n'ont plus de pouvoir sur lui. Il n'a plus de pouvoir sur lui. Puis, si vous demandez à qui c'est qui peut faire parler, communiquer comme facilement? Là? Il doit y en avoir dans la salle qui peuvent parler, communiquer. Hein? Si tu demandes, toi là, si tu demandes, maman t'as Kuruto. Si tu demandes, Guy, là, si c'est vrai que les pensées sont nées d'esprits ou des pensées proviennent d'esprits qui ne sont pas nés, et que l'esprit qui n'est pas né, c'est automatiquement ce qu'on appelle nous autres des forces luciférienne, ça n'a pas été expliqué, ça sera expliqué un jour dans les lignes. Qu'est-ce qu'ils disent, ça? Il y a une autre partie de l'humanité qui sont toutes d'autres outils. C'est les esprits-là qui ne sont pas liés. En explication en termes, c'est ce groupe d'esprits-là qui sont aussi responsables d'un certain quantitatif de monstres de création par les bibliothèques. Mais qu'on les aide un peu de robots, on est des constructions, une partie. Super! Et ça, je veux savoir. On leur sert de robots. On leur sert de formes pour remplir. C'est pour ça que c'est si important. C'est pour ça que c'est si important que l'homme se devienne immortel. Parce qu'une fois. J'ai perdu la petite. Ah oui. C'est pour ça que c'est important que l'homme devienne immortel. Parce qu'une fois que l'homme devient immortel. Ce qui est justement, c'est que qui vit au niveau de son corps moronciel, ils ne peuvent plus s'en servir. Mais tant qu'on est fier, qu'on a de l'émotion, ils se servent de l'émotion pour nous remplir. Puis ils se servent de notre corps mental inférieur pour nous remplir. C'est pour ça qu'on est dans l'évolution. C'est pour ça que je dis que tout ce qu'on a appris dans le passé, moi, je m'en... Quel que soit ce qu'on a appris, des plus hauts initiés dans le passé, ça ne nous aide plus dans l'avenir. Parce que ce que les initiés nous ont donné dans le passé, ça servait simplement à spiritualiser notre nature. Dans l'avenir, on doit la détruire, notre nature, parce que dans l'avenir, on doit ne plus n'avoir de nature humaine. Quand on n'aurait plus de nature humaine, on ne sera plus influencé par les esprits qui sont pas nés. Puis c'est pour ça que l'homme, à ce moment-là, sera un esprit créateur. Parce que l'homme n'aura plus besoin de penser pour savoir. Il saura parce qu'il y aura une vibration entre son esprit, son âme et la lumière. Alors, l'homme puisera dans l'âme le pouvoir qu'il a besoin pour transmuter la nature, puis il se servira de la lumière pour éclairer toutes ses actions. Ça sera son intelligence. Ça sera l'intelligence cosmique en harmonie avec l'homme, travaillant pour le bénéfice de l'homme et l'évolution. Tu sais que l'esprit qui est pas né, il n'y a rien à manger, c'est... Oh, on n'a pas commencé en pot. On reviendra d'abord. Si on veut confronter la psychologie de l'homme, dans ce sens, dans le sens de ce qu'il croit être la réalité psychologique de son être, avec la réalité de l'homme, qui est imperceptible à son être matériel. Mais qui est perceptible à son être total. On fait face à un problème monstre. Parce que l'être total chez l'homme, ce n'est pas la composante de son corps matériel, de son émotion, de son mental. L'être total chez l'homme, c'est la composante de son mental supérieur, au niveau de la race d'aujourd'hui, de la race qui vient. L'être total chez l'homme, c'est la composante de son mental supérieur. Ce n'est pas la composante de son mental inférieur ou de son émotionnel, de son vital. C'est difficile pour nous autres de voir ceci parce que notre vie est dans la main ou dans les mains de notre émotivité, de notre corps matériel et de notre mental inférieur. Notre vie n'est pas dans les mains de notre mental supérieur. Autrement dit, on ne vit pas la vie au niveau du mental supérieur parce qu'on est trop occupé à garder notre vie, à la conserver notre vie, à la vouloir notre vie, à lui donner une orientation quelconque. Notre vie, autrement dit, elle est psychologiquement vécue. Et tant qu'elle est vécue psychologiquement, elle appartient à notre personnalité. Elle est colorée par notre personnalité, mais elle n'est pas réelle. Lorsque notre vie est vécue au niveau du supramental, elle n'appartient plus à la personnalité. Elle n'appartient plus à notre émotivité, elle n'appartient plus à notre mental inférieur. Et sa manifestation sur le plan matériel, c'est simplement une manifestation qui coïncide avec une temporalité qui peut un jour cesser. De sorte que l'homme fait face à deux aspects de vie. Il y a la vie matérielle, conditionnée par les principes inférieurs de l'émotion, du mental et du vital. Et l'homme a la vie réelle, qui n'est conditionnée que par le principe du mental et qui n'est déterminée que par le principe du mental supérieur. Lorsque l'homme commence à vivre la vie au niveau du mental supérieur, tout ce qu'il fait sur le plan, en se servant des principes inférieurs, ne sert qu'à faire avancer le développement du mental supérieur. Je me réexplique, là. Autrement dit, quand on est inconscient, on vit notre vie selon les fonctions des principes inférieurs, vital, émotif, mental. Ça devient une vie psychologique, ça devient une existence. Cette vie est colorée par notre personnalité. Puis elle est préservée, maintenue dans sa forme par l'ego. Quand on entre dans le mental supérieur, il y a une disconnexion qui se fait en soi de la valeur de notre vie matérielle, émotive et mentale inférieure parce que notre personnalité n'est plus au service de l'ego, mais elle a été transférée au service de l'esprit. De sorte que si l'esprit le désire, l'esprit peut facilement, à un certain moment donné, suspendre l'activité matérielle, émotive et mentale et transférer la vie de l'homme dans un autre espace où la seule fonction créative est le mental supérieur et où la seule fonction essentielle est la fonction du mental supérieur. De sorte que dans l'autre espace, la vie matérielle n'est pas nécessaire, la vie émotionnelle est inexistante et le mental inférieur est totalement inexistant. De sorte que l'homme planétaire n'existe plus, il n'existe que l'homme cosmique. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est pour vous faire comprendre que dans votre vie qui avance vers la transmutation, il doit se produire des chocs vibratoires, des chocs énergétiques sur vos principes inférieurs, au niveau du corps vital, au niveau du corps émotionnel, au niveau du corps mental. Ces chocs-là peuvent facilement être enregistrés chez vous comme une maladie. Vous pouvez être malade dans l'émotionnel, vous pouvez être malade dans le mental, vous pouvez être malade dans le vital. Mais ces maladies-là sont simplement le produit d'une absorption d'énergie dont vous n'avez pas encore la résistance pour l'absorber. Là, je mets une parenthèse ferme parce que je veux pas que les gens se méprennent. Moi, je sais très bien, je prends mon expérience. Des fois, je suis malade. Si je suis malade, ça ne dure pas longtemps, mais on me l'annonce que je suis malade. Je sais que je vais être malade, par exemple, dans 5 mois. Dans 5 mois, je suis malade. Mais on m'annonce que je vais être malade dans 5 mois pour que dans 5 mois, quand je serai malade, je saurai qu'on me l'a déjà annoncé que j'étais prêt à être malade, de sorte que c'était su que j'étais prêt à être malade, de sorte que c'était su qu'un travail se fait sur mes corps. De sorte que quand je suis malade dans 5 mois, au lieu de paniquer et aller voir les médecins, je serai chez nous, puis j'attends que ça passe. Mais la raison pour laquelle je veux pas que vous me preniez, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui, à cause de leur spiritualité, puis à cause de leur niveau de conscience, ont facilement tendance à dire « Ah, mais c'est eux autres, c'est voulu comme ça », et ainsi de suite. Ça peut être vrai ou ça ne peut être pas vrai. Ça peut être vrai dans ce sens que il y a des gens qui peuvent recevoir une forte dose d'énergie qui peut les rendre malades temporairement. Mais il y a des gens qui sont malades parce que leurs corps sont débalancés. Puis les gens qui sont malades parce que leurs corps sont débalancés devraient aller voir des médecins comme tout le monde. Mais souvent, ils ne veulent pas aller voir des médecins parce qu'ils disent « Ah, oh, mais c'est eux autres. » C'est à chaque personne de savoir s'il est malade par vibration ou s'il est malade parce qu'il y a un débalancement entre les corps. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous dire, bon, mais tu es malade vibratoirement, tu peux aller voir le médecin, ou tu es malade naturellement, va voir le médecin. D'ailleurs, moi, je dis à tout le monde, ah, va voir le médecin d'abord, puis si tu ne trouves rien, à ce moment-là, tu es correct. Mais je vous dis ça parce que dans votre expérience, va venir des expériences de maladies qui ne seront pas naturelles, qui seront l'aboutissement d'une grande énergie pénétrante dans vos corps, qui vous rendra malade parce que vos corps sont débalancés, ça servira à rebalancer vos corps. Puis si vous êtes suffisamment conscient de vous-même, quand ça se passera à ce moment-là, mais ça se passera en douce. Vous n'aurez pas à voir, à passer par la médecine. Mais il faut que vous le sachiez par vous-même. Je vous dis ça pour demain, là, parce que je sais que ça va se passer dans de nombreux cas. Il y a un cas qui est généralement admis, là, qui est plus admissible que d'autres, là. Les gens qui ont des maux de tête, des migraines. Ça, on peut facilement admettre que c'est un changement d'énergie dans le mental. Okay. Surtout des gens qui n'ont jamais eu de maux de tête. Là, peut-être qu'ils commencent à avoir des maux de tête. Mais en ce qui concerne les autres aspects de l'anatomie, c'est à vous autres de savoir si vous êtes malade, vibratoirement ou non. Puis vous devriez toujours aller voir le médecin. Puis si le médecin vous trouve rien, tant mieux. À ce moment-là, asseyez-vous sur Je ne sais pas trop pourquoi est-ce que je parle de ça, là. Mais, on doit... Je commence à être trop grand. On doit être suffisamment conscient pour pouvoir dérégler notre organisme à volonté. Pour le régler, notre organisme à volonté. Alors, pour le dérégler, il faut qu'on soit malade. Pour le régler, il faut qu'on attende que ça parte. Si on interfère médicalement, chimiquement, on retarde ce règlement-là. Si on n'interfère pas à ce moment-là, le règlement se refait. Puis, alors, la vibration dans le corps éthérique change. Dans le corps vital change. Parce que la conscientisation, qui est un mouvement d'énergie du haut vers le bas, doit descendre. Mental, émotionnel, vital. Puis les corps, les principes doivent être affectés par les vibrations. Parce qu'un jour viendra où le corps physique devra être suffisamment faible pour permettre une dislocation du corps éthérique. Puis l'affaiblissement du corps physique se fait graduellement. Si une personne a un corps physique en bon ordre, un corps vital en bon ordre, un émotionnel en bon ordre, un mental en bon ordre, le dérèglement peut se faire lentement, un affaiblissement graduel du corps matériel, jusqu'au jour où le corps éthérique peut être soutiré du corps matériel sans qu'il y ait de défaillance, qu'une perte de conscience. Alors, automatiquement, les forces vont agir dans cette direction-là, puis les gens vont perdre leur force physique. C'est naturel, c'est le processus naturel. Si le corps physique est suffisamment en règle, les gens ne devraient pas trop être malades de ce changement vibratoire. Si le corps physique n'est pas trop en règle, les gens peuvent souffrir de ce dérèglement-là parce qu'il y aura une amplitude d'un des organes qui ne fonctionne pas naturellement. Il y a des gens, par exemple, qui ont les reins malades, qui ont le larynx malade, qui ont une partie malade congénitalement. Alors, si... ils ne comprennent pas ce mécanisme-là. La partie la plus faible va être celle qui va être la première atteinte quand cette énergie-là va rentrer. automatiquement, la personne va penser, bon, mais c'est mon larynx qui marche pas ou c'est mon rein qui marche pas. Dans le fond, c'est un changement vibratoire qui affecte tous les corps, mais c'est l'organe le plus faible qui en subit le choc le plus grand. Le choc est vraiment assez fort, c'est qu'il pouvait affecter l'organe au point de ses fonctions, on peut pas l'entendre. Le choc peut être assez fort pour rendre un organe malade. Mais pas pour que ça perde. Non, éventuellement, le choc sera. Il y aura, ça, la condition de vie sera rétablie pour que l'organe revienne à son naturel. Parce que l'abus n'est pas au niveau humain. C'est pas à cause d'un abus humain que l'organe est malade. Par exemple, je vous donne un exemple. Supposons que vous avez bien des dettes, que vous faites de l'anxiété, puis cette énergie-là descend, puis vous n'êtes pas capable de régler vos dettes, viendra un point où vous ne pourrez pas voir de porte de sortie tout de suite pour régler vos dettes. Fait qu'automatiquement, vous pouvez faire de l'anxiété, puis vous pouvez altérer l'état naturel d'un de vos organes. Vous pouvez même faire de, comment est-ce qu'on appelle ça, là? Des ulcères. Mais rendu au niveau, si vous avez à faire des ulcères à cause de cette situation-là, c'est parce que c'est le temps que ça cesse. Fait que peu de temps après, ça vous sera, il vous sera permis de régler vos dettes. Puis là, l'ulcère partira. Ou la sécrétion de l'ulcère. Ouais, mais une règle trop vite, des fois. Mais je vous dis ça Je vous dis ça en proportion de votre niveau de conscience. Je ne peux pas vous dire ça simplement en relation de votre état actuel. Mais je peux vous dire ça en proportion de votre niveau de conscience. Autrement dit, si on regarde dans 5, 6 ans, 10 ans, votre niveau de conscience va être tel que ces mouvements d'énergie-là affectant votre corps, votre conscience intelligente étant avertie de ce qui se passe, ça vous permettra de passer à travers sans vous inquiéter psychologiquement de ce qui se passe. Parce qu'à un certain moment, ils ont besoin de l'affaiblissement de certains organes. Parce qu'ils sont obligés de, petit à petit, réduire les liens magnétiques entre un corps et l'autre. C'est suffisamment facile de disloquer le corps astral du reste des corps, du corps physique. Parce que déjà, le corps astral est lié au corps, par le cordon, anyway, fait qu'il revient. Mais le corps éthérique, c'est pas facile parce que le corps éthérique n'a pas de lien avec le corps matériel. De sorte que quand le corps éthérique sort de l'enveloppe matérielle, faut que le niveau de conscience soit suffisamment élevé pour que l'homme ne perde pas conscience, d'abord. Puis deuxièmement, pour qu'il puisse fonctionner dans son corps éthérique d'une façon totalement libre, contrairement à la façon dont les gens fonctionnent quand ils sortent en astral. Les gens ne sont pas libres en astral. À un certain moment, ils sont obligés de revenir. Parce qu'au niveau du corps éthérique, ils sont obligés de l'affaiblir. C'est comme un entraînement. Et le résultat de cet entraînement-là, c'est qu'avec le temps, on devient de plus en plus faible physiquement, même si on est en très bonne santé. Quand le corps éthérique, c'est le corps qui, pour rester conscient, c'est un phénomène de douleur. Non. Pas un phénomène de douleur. Seulement que si tu n'as pas été entraîné petit à petit au cours des années à cette dislocation-là, qui est au niveau du corps atomique, puis les atomes du corps, l'énergie atomique du corps, tu perds conscience. Alors, petit à petit, il nous est enlevé de l'énergie physique, puis on, émotivement, puis mentalement, on se convient de cet état-là. Puis il vient un point où tu n'as plus grande énergie physique, mais tu te conviens de cet état-là. Puis plus tu avances, moins tu as de l'énergie physique, puis tu te conviens toujours de cet état-là. Mais si tu comparais ton état avec l'état que tu devrais avoir à ton âge, par exemple, tu dirais, voyons, suis-tu malade? C'est ce qui se passe avec moi? Tu comprends ça, toi, Bert? As-tu commencé à perdre un petit peu de ta force physique? Hein? Y aurait-tu qui commence à se sentir moins fort physiquement, moins d'énergie physique? Ouais. Ça, c'est naturel. Alors, tu comprends qu'après 5-10 ans, tu en as perdu l'énergie physique. Parce que l'énergie est toute rendue dans le mental. Mais tu as tellement peu d'enthousiasme, tu es tellement coordonné dans tes actions à tous les niveaux, que tu as moins besoin d'énergie que les gens en ont besoin. Et de l'autre côté, dans le mental, tu en as beaucoup plus que les gens en ont. Puis on ne peut pas passer à côté de ça, de cette expérience-là. Moi, j'ai un de mes amis, là, c'est fort. T'as fort comme un cheval. Puis aujourd'hui, il travaille, puis c'est ça. Il travaille un petit peu, puis c'est ça. Il travaille, puis c'est ça. Aujourd'hui, il calcule tes vibrations. Il calcule pas, c'est vibratoire. Il travaille pour rien. Non, il a son timing. On travaille ensemble à la maison, je te jure que ça avance pas vite. Je plante des vis avec une drill, là. Moi, j'en fais après une vingtaine, là, je m'arrête. Ah, j'arrête. Je suis plus capable, j'arrête. Ça arrête. Toute la machine arrête. Là, je vais prendre un petit café. Je fais une petite cigarette. Faire une petite marche dehors. Ça, je reviens, je continue. Ma femme m'a timé. Elle dit, toi, tu prends un break, là, à peu près tous les 12 minutes. C'est le contraire de ce que les employés font. Ouais. En plus, ça fait une de 15 minutes. 50 tours en règle, en règle, en règle. Mais tu t'habitues à ça. Fait que ça te dérange. À un moment donné, là, quand tu atteins un certain niveau, celui dont tu parles, tu en viens à pouvoir séparer ton corps éthérique du restant, de tes autres corps à volonté. Et le but final de ça, le but de ça. Le but final de ça, c'est de travailler dans les terres. Travailler dans les terres. Il y a du monde dans les terres. Comme tu le dis, tu arrives à te défaire, c'est-à-dire à te faire ce que ton corps éthérique. Tu as des tâches de l'instant à volonté, puis ça, c'est ça le conscient. Oui. Il n'y a pas de perte de conscience. Tandis que si tu as fait trop vite, tu perdrais conscience. On a le danger sur l'écran. Bien. Tu perds conscience. Tu tombes à tête, tu te casses la tête, tu te tracasses le cerveau, ça vient. Oui, d'accord, mais à part de ça, il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas, un danger de promotion quelconque. Pathologiquement parlant. Pathologiquement parlant, si ton corps éthérique sortait, là, tu veux dire, là, s'il était tout d'un coup, là, tu mourrais. Le choc sera trop fort. Regarde comment est-ce que vous réagissez quand vous allez en astral, vous trouvez au plafond tout d'un coup, vous regardez votre corps physique, vous paniquez, vous rentrez dedans tout de suite. Hein? Il est comme paralysé. Ouais. Au niveau du corps éthérique, c'est encore pire, parce que le corps éthérique, c'est un véhicule libre. Faut qu'on comprenne la nature de la maladie. Ce qu'on appelle, nous autres, la maladie. Faut qu'on réalise qu'on est multidimensionnel. Puis plus on se conscientise, plus nos activités coïncident toujours avec notre conscience. Parce qu'éventuellement, il vient que tes activités éventuellement sont plus inconscientes. Fait qu'à ce moment-là, si t'es malade, il y a une raison pourquoi t'es malade. T'es pas malade souvent. À un certain moment, tu peux être malade, puis il y a une raison, puis elle sert, ça. Mais au moins, tu Au moins, tu t'en fais pas pour rien. Moi, souvent, quand je suis malade, ils me disent, on a besoin de cette condition. T'es en bonne santé, toi, Marie? Un gars qui se... personne, un mec qui se dit immortel. Fait que, le rapport qu'il a avec la maladie, comparativement à avant, quand il était inconscient, c'est pas indifférent. Quand il était inconscient, il était toujours le phénomène de la maladie qui amène le mort. Ouah, tu l'as pas, ça. Ouais. Seulement, c'est fatigant. Ouais. Tu sais, être malade, c'est pas un cadeau. Mais c'est pas pareil. T'es pas malade pareil. T'es consciemment malade. Tu sais que c'est un travail qui se fait sur un des corps. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent dans la maladie. Surtout s'ils ont des organes faibles. Quand t'as pas d'organes faibles, comme moi, mon organe faible, c'est mon cœur. Fait que si t'as pas avec mon cœur, c'est un organe vital, le cœur. Des fois, il me l'arrête, le cœur. Je peux dire, bon, parler, pas d'art. Parce que quand tu t'arrêtes le cœur pour 8-9 minutes, Tu restes conscient pendant les 8-9 minutes? Ah, tu restes conscient, regarde toi. Mais ça ne marche plus, l'affaire. Fait que si tu ne sais pas ce qui se passe, ben, tu vas voir le médecin vite. T'as même pas le temps, ouais, mais. Moi, j'appelle ça jouer avec nos nerfs. Non, il veut pas que j'arrête que je fume. C'est bon que je fume. Avant le contact, tu fumais. Oh, je fumais, mais je ne fumais pas autant. Plus je suis conscient, plus je fumais. Il dit que j'ai besoin de fumer. C'est bon pour moi de fumer. Ça, c'est une des raisons, mais il y a bien d'autres raisons. Il y a une des raisons principales, c'est que je ne vis pas une vie naturelle. La vie sur le plan matériel, la vie dans les conditions de vie qu'on vit, pour moi, c'est pas une vie naturelle. Fait qu'en fumant, ça balance mon corps astral, ça diminue le stress. Parce que moi, je ne veux pas une vie comme vous autres. Moi, je vous dis des autres partout. Vous autres, vous trouvez ça le fun. Moi, je trouve pas ça le fun. Vous autres, vous avez des compensations psychologiques pour votre vie. Moi, j'en ai pas de compensation psychologique. La vie, pour moi, c'est totalement mental, mental, mental, mental. Fait que tout ce que je regarde, c'est jamais assez. Geno Motors, il arrive avec un nouveau char. Mais là, moi, j'en ai un autre. Toi, tu regardes un nouveau char, mais t'es content, il est bien fait. Mais quand t'es en fusion, Geno Motors, t'as mis un nouveau char, ils vont commencer à te le critiquer, puis ils vont critiquer ci, puis ils vont critiquer ça, puis ils vont critiquer ci, puis ils vont critiquer ça. C'est comme quand je vais dans les hôpitaux. Quand je vais dans les hôpitaux, ça devient fatigant, ils critiquent tout. Ça devrait pas être fait de même, ça devrait être fait comme ça, ça devrait pas être fait de même, ça devrait être fait comme ça, ils critiquent tout. Ils détruisent tout les forts. Fatigant. Fait que t'as pas de compensation psychologique pour subir le stress qui est lié à la désharmonie des forces, puis de tout ce que ça engendre dans le monde. Toi, tu vas aller au Vatican, tu vas aller voir Michel-Ange, tu vas voir Michel-Ange, tu vas l'admirer, ainsi de suite. T'as rien pour t'empêcher d'admirer Michel-Ange. Moi, je vais aller voir Michel-Ange, lui, il va commencer à me dire, Michel-Ange, tu vas pas, il était pas dans son assiette, ou il était dans son assiette, tu sais ça. Fait il donne toujours plus d'informations que tu as besoin. Là, t'es pas capable de bloquer. Mais non, t'es fusionné. Parle. Moi, je peux pas les empêcher de me parler. Vous autres, vous êtes capables, pas moi. Moi, ils veulent me parler, c'est final. Je suis obligé d'absorber ce qu'ils me disent. Il y a un équilibre maintenant. C'est ça que j'en souffre plus. Mais vous autres, vous avez toutes des compensations. Vous écoutez de la belle musique, vous avez une compensation. Vous allez dans la nature, puis vous dites, ah, c'est-tu beau la montagne, c'est-tu beau les raisins, c'est-tu beau. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas être dans la nature, c'est-tu beau ça. Je n'ai jamais de compensation.